L'appartement choisi par Hulot pour sa femme consistait en une grande et vaste antichambre, un salon et une chambre à coucher avec cabinet de toilette. La salle à manger était latéralement contiguë au salon. Deux chambres de domestiques et une cuisine, situées au troisième étage, complétaient ce logement, digne encore d'un conseiller d'État directeur à la guerre. L'hôtel, la cour et l'escalier étaient majestueux. La baronne, obligée de meubler son salon, sa chambre et sa salle à manger avec les reliques de sa splendeur, avait pris le meilleur dans les débris de l'hôtel rue de l'Université. La pauvre femme aimait d'ailleurs ces muets témoins de son bonheur, qui pour elle avait une éloquence quasi consolante. Elle entrevoyait dans ses souvenirs des fleurs comme elle voyait sur ses tapis des rosaces, à peine visibles pour les autres. En entrant dans la vaste antichambre, où 12 chaises, un baromètre et un grand poêle, de longs rideaux en calicot blanc bordés de rouge, rappelaient les affreuses antichambres des ministères, le cœur se serrait. On pressentait la solitude dans laquelle vivait cette femme. La douleur, de même que le plaisir, se fait une atmosphère. Au premier coup d'œil jeté sur un intérieur, on sait qui y règne, de l'amour ou du désespoir. On trouvait Adeline dans une immense chambre à coucher, meublée des beaux meubles de Jacob Desmalter, en acajou moucheté garni des ornements de l'Empire. Ces bronzes qui ont trouvé le moyen d'être plus froids que les cuivres de Louis XVI. Et l'on frissonnait en voyant cette femme assise sur un fauteuil romain, devant les sphinx d'une travailleuse, ayant perdu ses couleurs, affectant une gaieté aimanteuse, conservant son air impérial, comme elle savait conserver la robe de velours bleu qu'elle mettait chez elle. Cette âme fière soutenait le corps et maintenait la beauté.